Mosaïque. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres et bienvenue à ce rendez-vous pour l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui, on revient sur un événement d'il y a 4 ans, le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Quelles leçons ? Comment accéder au pouvoir dans un système démocratique ? Alors que le Burundi avait déjà embrassé la voie électorale pour arriver au pouvoir depuis 2005, un coup de force s'est introduit 10 ans après, en mai 2015, à la grande surprise de plus d'un Burundais. Qu'est-ce qui guiderait ce genre d'esprit pour prendre le pouvoir ? Quelles sont les conséquences pour le pays et le peuple ? Existerait-il à nos jours des Burundais qui comptent emprunter la même voie ? Comment prévenir ? Et comment justement accéder au pouvoir dans un pays en démocratie ? Pour tenter des réponses à ces interrogations, quatre invités, il y en a trois jusqu'ici, sont avec nous sur le plateau. Nancy Ninette Mutoni, elle est chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Gabriel Banzawitonde, c'est le président du parti APDR. Bonjour. Ah, bonjour et je salue tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes également avec Tassian Sibomana. Il est de la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Il y a un quatrième invité que nous attendons incessamment. Il s'agit de Léon Sengenakumana, le vice-président du parti Sahwanya Frodebu. La mise en onde est assurée par François Akimana. Jérôme Nionzima est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Isanganiro. La première question, je vais l'adresser à vous, Tassian Sibomana de la coalition Amizero Yabarundi. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que des gens, en tout cas pas n'importe lesquels, décident à un moment donné de prendre le pouvoir par la voie de la force ? Merci de la question, mais... Je pense en tout cas que vous en savez quelque chose. Je pense que vous êtes trompé d'adresse, parce qu'une question comme celle-là doit être adressée aux concernés. C'est-à-dire à ceux qui ont tenté justement de prendre le pouvoir par la force. Mais bien sûr, en tant que juriste et en tant que politique, il y a lieu effectivement de tenter d'en savoir davantage. Et comment le savoir ? Il faut justement scruter le discours même de ceux qui ont tenté de s'emparer le pouvoir par la force. Que ce soit en 2015, que ce soit à d'autres occasions, où des gens se sont emparés du pouvoir par la... En 1993, etc. Donc, chaque fois qu'il y a eu un coup de force, les auteurs ont toujours justifié leur façon d'agir. Ils évoquent des raisons. Et même... Ils n'ont jamais tort. Ils ont toujours tort parce que c'est une infraction qui est prévue et réprimée par le code pénal burundais. Mais vous le savez, en politique, ils n'ont tort que quand ils échouent. Mais quand ils réussissent, ils justifient la raison justement par la réussite. Mais quand ils échouent, ils ont tort parce qu'ils se retrouvent face à la loi. Qu'est-ce qui serait alors à l'origine de ces idées, de prendre le pouvoir par la force ? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être des frustrations du corps de l'armée, qui est pour la plupart des fois responsable, ou des éléments de l'armée, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2015, ça peut être le résultat d'un mécontentement généralisé par rapport à un système existant. C'est le cas du Burundi, c'est le cas d'ailleurs. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, vous voyez ce qui s'est passé en Algérie. Quand il y a un mécontentement généralisé de la population, les éléments de l'armée peuvent profiter de cette situation pour prendre le pouvoir par la force. S'il y a un mécontentement interne au corps de l'armée, un coup de force peut être initié par ces éléments mécontents du système. Ici, d'après ce que nous avons entendu sur la voie des ondes, ils ont déclaré qu'ils voulaient sauver la Constitution et l'accord d'Arusha, qu'ils voulaient sauver les gens qui manifestaient et qui étaient tirés à balles réelles. Ce sont les dires de ces présumés putschistes. Donc, ils ont toujours des justifications pour vendre leur façon d'agir. Et ils ont raison quand ils réussissent, ils ont toujours tort quand ils échouent. Ça, c'est clair. Parce que le coup de force contre les institutions, c'est une violation de la loi. C'est prévu et réprimé par le code pénal. Mais s'ils y parviennent, ils ont la raison de l'État. C'est comme ça. C'est le pire ou face. Si ceux qui s'adonnent à cette façon de faire, de pouvoir prendre le pouvoir par la force, quand ils réussissent, ils imposent la logique. Mais quand ils échouent, ils sont victimes de la loi qui est là. Micro à Nancy Ninette Moutoni, chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir. Est-ce que c'est la même idée? Bon, je m'étonne d'abord que mon grand frère ici tente d'expliquer les raisons ou même les raisonnements derrière un coup d'État, parce que pour moi, aucune motivation ou aucune ambition ne peut justifier un coup d'État dans un État démocratique. Parce que dans un système démocratique, le respect des règles de jeu s'impose. Quand on a souscrit à la démocratie, on doit respecter certaines règles, on doit donner la parole au peuple à qui revient la souveraineté. Mais bon, quand ces gens se mettent ensemble pour renverser la volonté du peuple, c'est d'abord un signe qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que le peuple est dirigé par les gens qu'il s'est choisi, mais aussi que le peuple a en lui l'expression et même la volonté de comment il veut être gouverné. Donc s'il y a des personnes qui veulent se substituer au peuple, alors là, ils n'ont pas compris le rôle ou même l'essence même de la démocratie, et c'est lamentable. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu en 2015 qu'il y a des gens qui n'ont pas encore des armées, qui croient qu'ils peuvent encore accéder par la violence au pouvoir. Heureusement que le peuple a opposé une opposition farouche face à cet état des faits et aussi a réussi à repousser ces anarchistes, comme je dirais, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas le respect de la loi, qui ne veulent pas les institutions. Parce que là, à ce moment, le 13 mai 2015, ils ont renversé des institutions démocratiquement élues. Et c'est inacceptable. Comment est-ce que vous qualifiez ces gens? C'est des partisans de la violence. C'est des antidémocratiques et c'est des gens qui ne veulent pas du bien au peuple. Monsieur Tassian disait tout à l'heure qu'ils ont expliqué qu'ils voulaient venir à la rescousse de l'accord d'Arusha et la constitution du Burundi. Comme je venais de le dire, il n'y a aucune ambition, aucune raison, aucune justification d'un coup d'État. Un coup d'État reste un coup d'État, reste un coup de force, reste l'usage de la force qui est inacceptable dans un État démocratique. Dire qu'ils voulaient respecter la Constitution, l'accord d'Arusha, tous ces textes sont respectés même à l'état actuel. Donc, ce n'était pas ça. Avant et après la tentative de putsch. C'était des prétextes qu'ils ont mis en avant pour pouvoir arriver à leur fin, d'enlever ou de prendre captivité du peuple. Et cela, c'est inacceptable. Ce sont des prétextes qui ne tiennent pas. Parce qu'on a vu par après, on a vu, parce que le coup d'État du 13 mai, ça a été longtemps avant, il y a eu des signes qui montraient que ces gens-là qui sont dans ce coup étaient à la solde des impérialistes, étaient à la solde des gens qui ne veulent pas que la démocratie s'enracine au Burundi. C'est des gens qui ne veulent pas. Des impérialistes, vous voulez parler des Burundais ou des étrangers ou... Il y a des étrangers, mais il y a aussi des Burundais à la solde de ces gens-là, qui veulent toujours mettre à genoux le peuple burundais, mais qui n'y arrivent plus, car le peuple a ouvert les yeux et le peuple est debout. Gabriel Banzawitone est au centre du parti APDR. C'est la même idée? Premièrement, si on dit coup d'État, vous entendez directement, il y a le mot coup pour dire l'inverser au gouvernement. Donc, quand il y a un coup d'État, c'est le gouvernement qui devient malheureux, c'est le peuple qui devient malheureux. Pour nous, en partie APDR, il n'y a aucune raison d'un coup d'État. Puisque, avec lesquels nous sommes, surtout l'Afrique ou bien le Burundi, est dans la voie démocratique. Là où les dirigeants émanent des élections libres, transparentes, apaisées, qui est l'un des signes de la démocratie. Alors une fois s'il y a copie au milieu de ces institutions, ça devient, je dirais, crime contre l'humanité, crime contre le peuple. C'est pour dire que pour le parti APDR, il n'y a aucune raison de faire un coup d'État. Donc il n'y a pas aucune justification pour dire que tu as fait le coup d'État. Puisque vous savez que quand il y a un coup d'État, c'est tout la vie du pays qui devient paralysée. Il n'y a pas d'institution. Chacun fait ce qu'il veut. Souvent, quand il y a un coup d'État, directement, c'est la transition pour préparer les élections libres. Vous entendez qu'il n'y a aucune raison de faire un coup d'État. Mais plutôt, il faut laisser les organes élus terminer le mandat, puis vous faites la campagne pour chercher les remplacer pacifiquement. En français, on dit que les seuls imbéciles ne changent pas. Si on fait en arrière, par exemple, en 2015, on peut dire que ce qui s'est passé en 2015, ce sont les mêmes individus qui ont influencé peut-être dans les années passées, les coups d'État des années passées, puisque aujourd'hui, il y a ces gens qui veulent toujours être au trône sans toutefois passer par la voie démocratique. Quand ils observent qu'il y a la voie démocratique, ils constatent qu'ils ne reviendront jamais au trône. Alors, ils vont à la course pour accéder au pouvoir. Mais selon vous, qu'est-ce qui aurait guidé ces gens à penser à la prise de pouvoir par la voie de la force? Ah, c'est mauvaise foi, en fait, de retourner au pouvoir. Puisque si on regarde, il y a les gens qui étaient derrière, qui étaient, je dirais, les grands poissons de son pays. Alors, quand ils regardent qu'avec le système démocratique que nous sommes, ils n'auraient jamais l'accès de retourner. Voilà, ils veulent et ils voulaient un raccourci pour y retourner. C'est ça, tout simplement, n'est que ça. Il y a un quatrième invité qui vient d'arriver. Il s'agit de Léon Senghenda-Koumana du parti Savanya Frodebou. C'est le vice-président de ce parti. On disait tantôt, on parlait tantôt de la période de l'événement qui a eu lieu le 13 mai 2015 et la tentative de prise de pouvoir par la force. Bonjour d'abord. Et qu'est-ce qui guiderait certaines gens à penser à la prise de pouvoir par la voie de la force? Merci beaucoup. Il faut d'abord situer cet événement, cette date, dans le contexte sociopolitique burundais. Le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique. Pourquoi? Depuis 1966, nous avons... Vous êtes un parti qui militait pour la démocratie depuis, même avant 1993. Oui, mais bien sûr. Je dis depuis 1966 jusqu'à... Presque en 1992, nous avons connu un parti unique, un parti État. Alors, vous comprenez que pendant une vingtaine, plus de 20 ans, qu'on était dans des régimes militaires, où on a observé des coups d'État, nous n'avons pas connu la tradition démocratique, nous n'avons pas connu la tradition parlementaire. Alors, à peine nous avons tenté de sortir de ce système politique, nous sommes entrés encore une fois en crise, en 1993. Des coups d'État se sont succédés comme ça. Alors, ce qui occasionne des coups d'État, c'est la mauvaise gestion des affaires de l'État. C'est la mauvaise gouvernance politique et administrative dans un pays. C'est la mauvaise gouvernance économique dans un pays. C'est la mauvaise gouvernance dans d'autres secteurs de la vie nationale. Vous allez finalement donner raison d'une certaine manière à ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Non. Je dois vous dire que nous... Le parti Savanya Frodebou, nous avons été victimes de plusieurs coups d'État. Nous avons perdu même deux chefs d'État dans des systèmes comme ça. Nous connaissons plus que qui que ce soit les conséquences des coups d'État. Alors nous sommes parvenus à négocier à Arusha jusqu'à ce que les coups d'État soient considérés comme un crime, comme les autres crimes contre l'humanité, les autres crimes de guerre. Alors nous avons inscrit cela dans l'accord d'Arusha en croyant que finalement, les gens ont compris. Parce qu'on avait longuement discuté sur la nature du conflit burundais. On était parvenu à inscrire dans l'histoire du Burundi qu'aucun gouvernement du Burundi ne va plus recréer les causes historiques du conflit burundais. Ça, c'est le premier protocole. On a émis des principes, on a pris des options, on a donné des orientations pour que ce ne soit plus possible. Et c'est écrit dans l'accord d'Arusha. Mais malheureusement, dans la suite, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes causes, ça se trouve là. Alors, nous sommes parvenus aussi à proposer comme voie de solution. Nous avons dit que la démocratie et la bonne gouvernance doivent être les fondements de chaque gouvernement du Burundi. Jusqu'à aujourd'hui, où est la démocratie et la bonne gouvernance? Nous sommes allés plus loin sur la question de la paix, de la sécurité. Oui, la démocratie, la bonne gouvernance. Nancy Ninette Moutoni est en train d'écrire quelque chose. Continuez. Où est la démocratie, la bonne gouvernance? Alors, les piliers, nous les connaissons. Les symboles de la démocratie, nous les connaissons. Alors, on est allé plus loin sur les corps de défense et de sécurité, l'armée, la gestion de l'armée, de la police et du service national de renseignement, parfois le dénomme documentation. On avait constaté que l'armée, la police, la gendarmerie à l'époque, le service national de renseignement avait été politisé, même ethnisé. On les prenait comme des corps au service d'un groupe politique, d'un groupe ethnique, d'une région même. Quelle est la réalité aujourd'hui? Quelle est la réalité aujourd'hui? Qu'est-ce qui guide ces gens? Alors, j'allais continuer jusqu'à aux propositions que nous avons faites pour que le Burundi soit finalement reconstruit et réconcilié et développé même. C'est le 4e protocole. Alors, le rejet de l'accord d'Arusha, parce que tous ces principes, toutes ces options, toutes ces orientations sont contenues dans l'accord d'Arusha. Le rejet de l'accord d'Arusha, la négation de l'accord d'Arusha. Le rejet de l'accord d'Arusha, par qui? Par qui? Par le parti CNDD-FDD et son pouvoir. Le rejet de ce que les Burundais ont négocié comme fondement de la paix et de la démocratie, comme fondement de la réconciliation et du développement, voilà, ça conduit aux les mêmes causes, les mêmes effets. Produisant les mêmes effets, voilà ce qui s'est passé en 2015. Ce n'est pas quelque chose isolé, c'est dans ce cadre-là. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement au Burundi. Un peu partout, on avait refusé le coup d'État. Un peu partout, on avait refusé le coup d'État. Mais nous avons des chefs d'État en Afrique, je n'ai jamais compris. Il y en a même qui on attrape avec des sommes d'argent, alors que le pays n'en a pas. Oui. Même ici, on verra. Comme si on verra. Donc, n'allez pas chercher. Vous en savez quelque chose. On verra quoi. Même ici, attendez, la même situation peut se produire. Des situations comme celle-là, puisque les gens, finalement, ils ont compris que l'accès au pouvoir est synonyme de l'accès à des richesses illicites. Avant de passer la parole à Pour répondre, est-ce que vous allez donner raison à ces gens qui... Mais bien sûr, il vient de le faire. Et comment est-ce que tu redemandes à donner raison? On ne répond pas par un oui ou un non. Avec eux. Je suis un homme politique. Je ne travaille pas sentimentalement. Je travaille sur base des faits. Vous rejetez ce qui avait interdit les coups d'État. Vous ramenez l'ancien système. Attendez, voir cela. Maintenant, il nous faut obligatoirement nous asseoir, nous mettre ensemble. Pour voir ce que nous devons faire. Pour éviter de retomber dans des systèmes de coup d'État, dans des systèmes de parti unique, dans des systèmes d'exclusion. Il faut obligatoirement respecter cela. Le vice-président du parti Frodebou vous accuse le CNDD-FDD, le pouvoir en place. Il insiste sur la gouvernance et la démocratie. Qu'est-ce que vous allez dire à ce point? Bon, en tout cas, en tant que vice-président d'un parti légal et légitime ici au Burundi, un parti d'essence démocratique, le Frodebou, il sait très bien. Il sait très bien que la démocratie et la bonne gouvernance existent et sont bel et bien réelles au Burundi. On le dit dans les mots. Et est bien réelles au Burundi. Il le sait très bien. Il le sait très bien. En théorie, et donc, ce que je veux dire ici, c'est que d'abord... En tant que responsable leader politique, il y a l'honnêteté politique, je dirais, mais aussi la responsabilité de nos discours qui nous engagent. Car quand vous dites que l'accord d'Arusha, la Constitution, ce sont des concepts que les gens sont en train de brandir depuis longtemps avant. Il le sait très bien. Il y a d'autres choses aussi qu'il a avancées longtemps avant le putsch, qui étaient en prélude au putsch, mais heureusement qui n'ont pas servi à réussir le putsch. Donc, quand vous dites que l'accord d'Arusha, la Constitution ne sont pas respectés, ayez au moins l'honnêteté de dire où, quels sont les articles qui ne sont pas respectés actuellement. Actuellement, vous avez aussi un juriste tout près qui vient toujours avec un arsenal juridique. Qui va les citer? Parce qu'il ne faut pas non plus prendre le peuple et prendre les auditeurs aussi pour des personnes qui ne lisent pas la loi. Donc, c'est aussi cette honnêteté que je veux aussi donner. Et quand aussi, il y va aussi de la responsabilité aussi des médias. Dans des débats pareils, s'il y a quelqu'un qui donne raison au putsch, je trouve cela irresponsable. Parce que les putschistes, comme vous l'avez bien dit, on a convergé sur cela, sont des ennemis de la paix, sont des fossoyeurs de la démocratie, sont des personnes qui sont partisans de la violence pour accéder au pouvoir. Et en tant que parti politique, on ne peut pas se targuer ou même féliciter des gens qui usent de la violence pour arriver au pouvoir. La démocratie est bien réelle, je le répète. Je pense qu'il n'a pas félicité, tout au moins. Bon, il a justifié. C'est plus grave. Il a justifié. que c'est normal, ça devait arriver. Je n'ai pas parlé du putsch du 13 mai, moi. Je n'ai pas parlé du putsch du 13 mai. J'ai parlé globalement. Principe de putsch. Les principes les de raisons qui peuvent. Mais ce sont des les racines. Qui peuvent me conduire à des putsch. Ce sont des je n'ai pas racines. Encore, mais je vais parler de son putsch aussi. Ce mais sont je n'ai pas racines. Encore parlé de putsch. Mais ce sont des racines. Ce sont des racines d'une mauvaise herbe qu'il faut déraciner d'un système démocratique. Parce que quand même, l'offre debout est démocratique. Vous n'allez quand même pas dire que où vous avez changé avec le temps. Non, c'est mais de ce qu'on connaissait, c'est un parti démocratique. Vous pouvez y aller directement tant que vous avez le micro avec les conséquences. Quelles sont les conséquences pour le pays et la population en cas de prise ou tentative de prise de pouvoir par la force? Les conséquences sont innombrables. D'abord, il y a des conséquences en perte en vie humaine. Et c'est regrettable. Il y a du vandalisme. Des biens des gens sont détruits. Des biens publics sont détruits. Et puis aussi, il y a des conséquences psychologiques et des conséquences politiques et des conséquences sur l'héritage politique d'un pays. On doit toujours condamner et dénoncer quiconque a cette culture de putsch en lui. C'est une mauvaise pratique qui doit être déracinée. Mais aussi, ce qu'on a vu en 2015, ce qu'on a vu en 2015, le 13 mai, nous a donné espoir qu'il n'y a personne d'autre qui pourra penser ou repenser à refaire un putsch au Burundi. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire une petite comparaison à l'événement qui a eu lieu en 2015 par rapport au précédent. Oui, parce qu'avant, quand les putschs réussissaient, comme l'autre disait, en embellissant l'histoire de putsch ou l'historique des putschs, ils disaient « Ah ben oui, si ça réussit, c'est bon ». Donc les putschs réussissaient et ça passait comme des modèles de gouvernance. Et donc, un coup d'État réussi. Il ne peut plus ceux réussir. Qui en ont organisé, heureusement, justement. heureusement que ces coups ne pourront jamais réussir. Vous avez vu que les Burundais se sont levés comme un seul homme. Et vous avez vu que les forces de défense et de sécurité étaient ensemble. Ce n'était pas une question d'ethnie. Ce n'était pas une question de région ou de quoi. Ils se sont levés comme un seul homme. Comme à l'époque du roi Mwezi. Ils se sont levés pour la défense de leur pays, pour la souveraineté. Est-ce que ceux qui se sont levés justement pour attenter un coup d'État n'étaient pas des membres de l'extrême corps? Non. Et puis, comme vous dites, il y a eu ceux qui étaient de ce corps qui ont dérapé. Mais ceux qui les ont combattus étaient plus déterminés et avaient plus de légitimité et je dirais même de supériorité idéologique et patriotique face à ces mauvaises idées de prise de pouvoir. Passons la parole, le micro à Gabriel Banzawitone du parti APDR. Qu'est-ce que vous diriez des conséquences pour le pays et la population en cas de prise ou tentative de prise de pouvoir par la force? Avant de passer aux conséquences, je peux faire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Premièrement, vice-président du parti, Frodebo, je peux vous rappeler qu'au Burundi, la démocratie. S'il n'y avait pas la démocratie, on n'était pas même ici, puisqu'on est ici à cause qu'il y a la démocratie et ses principes. Donc, droit d'expression, droit aux réunions, tout ça. Si ce n'était pas ça, c'était le contraire. Deuxièmement, je peux dire qu'il y a un « ça ne va pas ». Oui, s'il y a un « ça ne va pas », c'est pourquoi il y a le dialogue à travers, par exemple, le forum de dialogue des partis politiques. C'est un forum permanent pour le dialogue des partis politiques. Il y a des réunions, il y a des échanges qui ont abouti, par exemple, à la feuille de route vers 2020 pour dire qu'en politique, si il y a un, ça ne va pas. Mais on dialogue toujours pour trouver des solutions. C'est pourquoi je dis qu'en démocratie, il faut décourager les genres de coups d'État. Normalement, quand il y a un, ça ne va pas, quand il y a la colère, comme il a dit, il fallait attendre les élections, puis montrer à vos militants ce qui ne va pas, votre projet de société a fait de changer les choses pacifiquement. Mais si ces tentatives ont lieu, quelles sont les conséquences pour le pays et la population? Oui, ce ne sont pas des tentatives, ce sont des coups d'État. Des coups d'État avortés, bien coups d'État, mais qui ont eu lieu par exemple au Burundi. Mais à cause de la population, on était ensemble comme un seul, mais on a quand même bloqué ces genres de sauvageries. Tout simplement, je peux rappeler, avant d'arriver aux conséquences, que la seule origine de faire des coups d'État n'est que les gens, même aujourd'hui existent, qui voient qu'avec le système démocratique, ils n'auront jamais l'accès de retourner encore au trône. Ils n'auront jamais l'accès encore d'être... Retourner ou accéder. Ou accéder au pouvoir encore. D'être de grands poissons. Alors, ils voient, Ansé la course à faire. C'est de faire des coups d'État. C'est ça, donc, Ansé la course. Il veut rester des petits il parle de l'hypronome. Au contraire de ça. Non, encore le plus grave. Vous entendrez les gens. Vous entendrez déjà toujours qui parle. Le dialogue, l'accord d'Arusha, le dialogue entre Burundi. Il ne savait pas où nous sommes. Ils veulent tout simplement voir que la Croatie a fait pour arriver encore au pouvoir. Ça, il faut passer aux élections. Puisque une fois qu'il y aura des élections, ils ne reviendront jamais. Alors, conséquences sont nombreuses. Premièrement, il y a l'entraînement de la démocratie. Quand on dit l'entraînement de la démocratie, c'est la démocratie à ses principes. Il n'y a pas l'accès au droit d'expression, droit aux réunions. Il n'y a pas l'économie, puisque après le coup d'État, c'est souvent en Afrique, vous entendrez qu'il y a la transition. Alors, vous savez, le gouvernement de transition, c'est chacun plan ce qui accède pour dire que quand il y a un coup d'État, il y a des conséquences néfastes, puisqu'il y a déjà l'enterrement de la démocratie. Il n'y a pas un chef qu'on demande ça. Je dis. Conséquence, c'est Tassien Siwomana de la coalition Amizero Barundi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais d'abord faire deux petites mises au point. Madame Nancy, si nous sommes dans un débat comme celle-ci, nous devons nous élever pour voir justement le thème. On parle d'un coup d'État qui, ou d'une tentative de coup d'État qui a eu lieu au Burundi. Mais pour faire une analyse... Qu'il faut condamner. Absolument. Je t'ai dit que c'est prévu par le code, c'est une infraction. Oui. Mais comme je n'ai pas non plus peur de le dire, si ça réussit, ce n'est plus une infraction, malheureusement. C'est la triste réalité. Heureusement, ça a échoué. Oui, donc... c'est ce que je te dis. Si ça échoue, ça devient une infraction. Malheureusement, donc... Parce que les institutions pour vous, c'est qui malheureux étaient visées, si elles subsistent à ce coup d'État, et se venge contre ceux qui avaient tenté de l'envahir. Heureusement que le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement de vengeance. Okay. C'est un gouvernement qui unit le peuple. Je vais y et arriver d'ailleurs au niveau des conséquences. Je répète, s'il y a échec, le code pénal suffit, parce que c'est prévu par le code. Ça, je le dis comme juriste. Mais si ça réussit, encore une fois, les conséquences peuvent être salvatrices. Ça dépend des motivations qui ont animé ceux qui ont renversé les institutions en place. Oui. Regardez ce qui se passe au Soudan, je l'ai dit. Regardez ce qui se passe en Algérie. C'est le peuple qui revendiquait le départ de leur chef d'État. Si les militaires résistaient, ils pouvaient même tuer beaucoup de gens. Si les militaires avaient résisté et avaient voulu protéger indûment les présidents qui étaient en place. Mais comme les militaires ont mis en avant l'intérêt de la population, qui voyaient que leur chef d'État ne répondait plus, malheureusement, aux règles de gestion des États modernes, l'armée a préféré se ranger du côté du peuple. C'est ce que nous disons. Si ici l'échec a eu des conséquences, bien sûr. C'est que l'armée s'est rangée aux côtés du peuple. Ok, je n'en dis pas plus. Voilà. Mais les conséquences sont lesquelles? S'il y a réussite, ça dépend des motivations. Est-ce qu'il y a deux parties différentes, le peuple et le gouvernement ou les institutions? Malheureusement, c'est comme ça. S'il y avait réussite, le peuple se serait rangé du côté des vainqueurs. N'oubliez pas qu'il y en a qui manifestaient en faveur de la tentative de putsch. Comme il y en a qui manifestaient pour la réussite absolument. De la mise mais en échec. Mais tout ce monde-là constitue le peuple burundais. Il ne faut pas le nier. Même ceux qui se sont levés pour le dire aux radios, c'était des Burundais, c'était des militaires, c'était des policiers. Donc, nous ne soyons pas, je dirais, surréalistes. Analysons les faits et essayons d'en tirer les leçons qui s'imposent effectivement. Alors, en cas d'échec, je vous l'ai dit, ceux qui étaient visés s'en prennent à ceux qui ont violé la disposition qui prévoit le coup d'État comme une infraction. Ça, c'est normal. C'est ce qui se fait malheureusement, même aujourd'hui. Ce qui est plus grave, c'est que justement, il y a un risque d'amalgame. Comment? C'est ça qui est mauvais. Risque la responsabilité pénale est toujours personnelle. Je vais te le dire. C'est pas parce que quelqu'un est accusé d'attenter aux institutions que son enfant en devient victime, que sa femme en devient victime. C'est ça qu'il faut éviter comme conséquence. Il faut réprimer les responsables. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous avez vu comme décision de saisie hier? Ah, tu n'en sais rien. Voilà ce qu'il faut éviter, l'amalgame. Malheureux vaincu. Donc, si vraiment il y a des responsables qui se disent échouent, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ils n'ont pas attenté aux institutions en collaboration avec leurs enfants. Il y en a qui ne savaient même pas où leurs parents étaient, les femmes encore moins. Mais maintenant, quand il faut saisir tous les biens, c'était comme si toute la famille était responsable. Alors que la responsabilité est individuelle. C'est ça qu'il faut éviter. Sinon, je l'ai dit, si vous échouez l'alternative de coup d'État, assurez-vous que la loi va servir. C'est la oui, loi. Et la justice est indépendante. Et aussi, la loi existe. Je ne suis pas convaincu. Bon. Madame Moutoni, vous êtes une mère de famille. Oui. Je ne vous le souhaite pas. Mais ça peut arriver. Mm-hmm. Votre époux peut être accusé d'un crime ou d'un délit X. Je ne vais pas m'opposer à la justice. Non. Est-ce que vous serez responsable avec vos enfants? Si je trouve que la justice est contre moi ou la justice n'est pas en train de me servir, j'ai droit. C'est aussi cela la démocratie. J'ai droit à faire appel. Mon ami Nancy, oui, tu fais appel devant qui? Devant la justice. Il y a le procureur général, le président de la Cour suprême qui signe conjointement. Mais il faut avoir confiance aux institutions. Non. C'est ce qu'on ne partage pas. Non, Moutoni, ne soyons pas sentimentalistes. C'est pas sentimentaliste. Je vous ai dit vraiment, c'est vous êtes une mère de famille. Oui. Est-ce que si jamais votre époux commettait une infraction quelconque, je ne vous le souhaite pas, je ne le lui souhaite pas. Supposons que ça arrive. En quoi est-ce que vous serez victime de ça? En quoi votre enfant serait victime de ça? N'est-ce pas un abus, madame? C'est ça qu'il faut éviter. Ce n'est pas un abus. Et puis aussi, dans un État démocratique, il faut savoir que l'impunité, on ne peut pas promouvoir l'impunité. Je n'ai jamais soutenu l'impunité. Est-ce que je vous ai posé la question? Il y a des victimes. Parlez de façon un peu posée. Excusez-moi, mais quand même là, il faut un petit... C'est ça. Il y a des victimes qui demandent justice. Il y a des victimes de ce putsch qui demandent justice. Et justice doit leur être rendue. Est-ce que moi, je suis contre? J'ai posé la question. Est-ce que les enfants de ces putschistes et les femmes sont en même temps responsables que leurs parents? Mais personne n'a sanctionné les enfants et les femmes. Pour ceux... Si vous saisissez les biens de la famille. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yeah. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, tristesse. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yes, yes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yeah. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yes, yes. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque, nous sommes en train de débattre sur la façon d'accéder au pouvoir dans un pays en démocratie. Cela 4 ans après une tentative de coup d'État qui a eu lieu le 13 mai 2015. 4 invités sont avec nous sur le plateau. Nancy Ninette Moutoni du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Léon Senghena Koumana du Frodebou, Gabriel Banzawitonde de la PDR, ainsi que Tassian Sibomana de la coalition Amizero Yabarundi. Nancy Ninette Moutoni, chargée de la communication au sein du parti au pouvoir. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui des Burundais qui comptent, encore une fois, emprunter la même voie armée pour arriver au pouvoir? Je l'ai déjà dit, il y en a qui ne désarment pas, il y en a qui ont les idées toujours dans les nuages, qui pensent que... On est au 21e siècle. On approche les élections de 2020. Il y en a qui pensent que ce qui était, ce qui fut, peut toujours être réédité. Mais au vu des événements qui se sont passés en 2015, je pense que des leçons doivent être tirées. Ils doivent comprendre que d'abord, il y a la maturité politique et puis il y a l'unité. Le peuple a compris. Il a appris et il a compris. Et ce qui s'est passé ce jour-là, du 13 mai, c'est une victoire du patriotisme et c'est une victoire du peuple face à ces Burundais qui croient qu'ils peuvent toujours accéder au pouvoir par la force, mais aussi c'est une victoire face à tous ces impérialistes, ces néocolonialistes qui veulent mettre à genoux le peuple burundais, ils leur ont montré qu'ils n'ont plus le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. Et pour les institutions qu'il a élues... Il y a risque que je repose la même question. Si vous parlez d'impérialistes, de néocolonialistes, est-ce que vous parlez de Burundais ou d'étrangers ou les deux à la fois? Consultez le dictionnaire. Vous comprendrez mieux. Mais je sais que les concernés entendent se connaissent dans cela. Ceux qui ont essuyé l'échec en 2015, ils le savent. Et je ne pense pas qu'ils pourront rééditer ou repenser à reproduire les mêmes erreurs, car ils l'ont bien dit, même mes amis ici, ils ont dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, je suis confiante et j'ai l'espoir qu'il n'y a aucun Burundais à l'heure actuelle qui peut penser que le coup d'État peut amener ou le faire arriver au pouvoir. Je suis convaincue que les Burundais ont compris qu'il n'y a aucune motivation qui puisse monter les uns contre les autres à l'heure actuelle. Parce que nous avons un gouvernement et un système de gouvernance qui unit et qui réconcilie. Ce n'est plus comme avant où il y avait des systèmes de gouvernance qui privilégiaient les uns contre les autres. Une petite question, Nancy. Que dire de ces Burundais, justement, qui se trouvent aujourd'hui en exil, ceux qui se sont exilés après le coup d'État manqué du 13 mai? Nous réitérons toujours l'appel pour tous les Burundais de regagner le bercail. Et ceux qui ont des soucis avec la justice, qu'ils répondent devant la justice, mais ceux qui n'ont rien à se reprocher, qu'ils rentrent et qu'ils continuent à construire ensemble le pays avec leurs compatriotes. Parce que l'exil n'est jamais bon. Et puis le Burundi a besoin de la force de tous ses fils et filles. Vous pouvez y aller directement, tant que vous avez le micro. Comment prévenir pour que ces voies ne soient plus empruntées en vue d'accéder au pouvoir? C'est d'abord le renforcement, continuer à renforcer la démocratie, mais aussi c'est préparer les militants, pour ceux qui en ont, et puis les préparer aux voies démocratiques. Préparer le peuple à renforcer la démocratie, à consolider la paix. Et puis aussi les mettre au travail, les aider et les accompagner dans leur projet de développement. Car là où il y a la faim, vous savez que toute forme de manipulation est possible. Et puis, autre chose qui peut aider à prévenir ce genre de comportement, c'est la lutte farouche contre l'impunité. Il faut toujours lutter contre l'impunité afin que les victimes puissent trouver justice et afin aussi que ceux qui commettent des bavures voient qu'il y a une justice qui sévit, une justice qui est impartiale, une justice qui est là pour aider le peuple à en découdre avec ses mauvais comportements. Car, comme vous le savez, les conséquences se transmettent aussi de génération en génération. Il faut que nous travaillions ensemble. Et là, je lance un appel non seulement à ceux avec qui nous partageons le plateau aujourd'hui, mais aussi à tous ces leaders politiques qui nous écoutent. Nous avons une responsabilité de transmettre aux générations futures une culture démocratique saine, un environnement politique sain. Et nous devons y contribuer par des actes et paroles constructives. J'adresse la même question ou les mêmes questions à Léon Sengenakoumana, vice-président du parti Sahrawi Afro-Debout. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui des Burundais qui comptent emprunter la même voie armée pour arriver au pouvoir et comment prévenir? Il faut d'abord que je leur retire l'arme qu'ils sont en train d'utiliser sans raison. Qui? Les deux, le représentant du CNDD, FDD et mon ami Gabriel. Il n'y a personne ici qui soutient le putsch. Il faut qu'on s'entende. Vous prenez ça comme une arme. Mais vous risquez de perdre le débat si vous restez sur cette voie. Alors maintenant, moi je pense qu'on est en train de débattre sur les causes qui conduisent au coup d'État, les conséquences et surtout comment prévenir, comment éviter qu'il y ait des coups d'État. Ça serait très intéressant de discuter comme ça, sinon s'attaquer comme ça, rappeler des histoires et des histoires. Finalement, ça va servir à nos auditeurs à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont en tirer comme leçon? Alors moi je dis, nous avons négocié un accord d'Arusha où nous avons mentionné tout ce que nous sommes en train de discuter ici. Les causes des coups d'État, les conséquences des coups d'État, même des voies de sortie pour ne plus retomber dans les coups d'État. Il faut respecter ce qui est mentionné dans l'accord d'Arusha. C'est le seul texte jusqu'à aujourd'hui que les Burundais se sont convenus pour cohabiter. Notre collègue ici pense que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Nous sommes en voyage. Vers la démocratie. Vers la démocratie. Nous sommes en train de quitter les régimes que nous avons qualifiés de régimes militaires et dictatoriaux. Ça a eu lieu. Estimez-vous maintenant, nous sommes dans une phase de transition, de mutation. vers la démocratie, vers les institutions démocratiques, vers un pouvoir démocratique. Et si on manœuvre mal dans cette phase ici, nous allons tous retomber. Nous sommes comme s'il a un pont pour traverser. Si on casse, si on se bat et qu'on casse le pont, si on casse le pont, c'est pas le Frodebou qui va tomber uniquement. C'est-à-dire qu'on est au milieu. C'est pas le Frodebou qui va tomber. Nous allons tous tomber dans le fleuve ou ailleurs. Alors, je dis, mes chers amis, que ce soit en coup d'état militaire. En tout cas, il faut avancer et traverser le pont. Oui, oui. Que ce soit en coup d'état militaire. Que ce soit en coup d'état constitutionnel. Parce que les coups d'état constitutionnels existent aussi. Ils produisent les mêmes effets. Ils produisent les mêmes effets. C'est condamnable. Là, il faut que ça soit clair pour nous tous ici. C'est condamnable. Maintenant, les piliers de la démocratie. Vous étiez en train de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Les piliers de la démocratie. D'abord, le premier pilier de la démocratie, c'est un dialogue franc et sincère. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le dialogue inter-burundais à Arusha. Connaissez ce qui s'est passé. Vous connaissez les auteurs de l'échec de ce dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Le deuxième pilier, ce sont le fonctionnement normal des partis politiques. Est-ce que les partis politiques fonctionnent ici? Si votre parti fonctionne, mon cher ami... Est-ce que le Frodebou ne fonctionne pas? Difficilement. Je peux vous donner... C'est pas ce qui m'a amené ici. Mais je peux vous dire que depuis Makamba jusqu'au nord, nos militants sont malmenés. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont tués, il y en a qui sont en prison, il y en a qui se cachent, il y en a qui se sont exilés. Si votre parti fonctionne, M. Galbuyer, il ne faut pas croire que tous les partis fonctionnent. Bon, laissons le Frodebou. Est-ce que le CNL fonctionne? Il est même nouveau. Il ne fonctionne pas. On peut prendre d'autres partis, ça ne fonctionne pas. Mais les partis existent. Hein? Les partis existent au niveau du concept, comme concept. Une trentaine, bien alors, entendu. L'autre pilier. L'autre, on n'a pas besoin de 30 partis politiques au Burundi. L'autre pilier. L'autre pilier. L'autre pilier, c'est la société civile. Parce que la société civile est là pour défendre le groupe de personnes. Ils sont très nombreux qui ne sont pas dans les institutions et qui ne sont pas dans les partis politiques. Qui sont libres comme ça. Et la société civile, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ici? Ça ne fonctionne pas, c'est comme les partis politiques. Les médias, c'est un autre pilier de la démocratie. Est-ce que les médias fonctionnent comme on le veut? À un certain moment... Comment vous le voulez? Vous voulez qu'ils fonctionnent comment? Comment en démocratie? On est dans un studio d'une radio privée. Comment voulez-vous qu'ils fonctionnent? Ça va plus ou moins. Mais je ne suis pas sûr que cette radio fonctionne comme elle voulait fonctionner. Ça, c'est autre chose. Bah, c'est à eux de le dire. C'est à eux de le dire. Non, je ne le dis pas. Je retire. C'est mon appréciation. Mais selon vous, est-ce qu'il y a des Burundais aujourd'hui qui pourraient penser à cette prise de pouvoir par la voie de la force? Je viens de vous dire que nous, en 93, pardon, 80, nous avons été victimes de coups d'État. Nous avons négocié jusqu'à l'accord d'Arusha. Nous avons mentionné dans l'accord d'Arusha que les coups d'État font partie des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc. Nous l'avons mentionné là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont tenté encore un coup d'État? Et la majorité de ceux qui ont tenté le coup d'État, ceux qui étaient plus forts, ils étaient du parti CNDD-FDD. Même le chef du coup d'État de ce coup d'État de 2015 dont on parle, C'est un ancien militaire. Nous n'avons pas de membre militaire. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un ancien chef d'état-major issu du parti CNDD-FDD. Il n'est pas issu de l'autre groupe dont on parle qui est habitué. Attendez. Il était du pouvoir. Et il y avait d'autres généraux qui étaient du pouvoir. Alors, pour ce coup d'état de 2015, il faut faire attention. Vraiment, il faut bien analyser. Ce ne sont pas comme les autres coups d'état. Parce que ça a échoué. Je parle de la composition des auteurs de ce coup d'État. Sa composition, c'est pas comme avant. Avant, c'était une histoire de famille. Ouais. Mais maintenant, c'était politique. C'était plus politique qu'une histoire de famille. D'où sa mise en échec est plus un signe d'enracinement de la démocratie. C'est possible. Alors, pour votre question, ça veut dire que si les gens ne respectaient pas le contenu de l'accord d'Arusha, je vous dis, tout peut arriver. Puisque en 2015, ils ont tenté. Alors, ils n'ont pas tenté, ils ont fait. Ils ont tenté. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr comment ça s'est passé. Ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont vous fait. Vous regrettez qu'ils ont échoué? Ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont été mis en échec. Non, vous comprenez. Oui, vous êtes membre du sein de DFTD. Ces gens-là du sein de DFTD, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais les problèmes internes... Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était pas d'abord des gens du sein de DFTD. C'était quoi? C'était des militaires et des policiers. Nous n'avons pas de membres militaires. Madame, il y a déjà qui vous écoutent. Ils savaient que Godefroy Niyombale est un membre influent du parti sein de DFTD. Ça, ils le savent. Léonard et Nakoumane, ils le savent très bien. Écoutez, monsieur Léonce. Il y a déjà qui vous écoutent. Bien sûr, la même chose pour vous. Est-ce que vous pouvez affirmer, sans avoir honte et peur, que des militaires sont des membres d'un parti politique? Vous êtes sérieux, là? Alors, on est où? Je vous donne un autre cas. Je vous donne un autre cas. Nous, ceux qui ont fait un coup d'état contre Dadaï, c'était des militaires de l'Iprona. Non, l'Iprona, les fils. C'était des militaires issus du parti. Il n'y avait pas un autre parti. Il n'y avait pas d'autre parti. Un petit tour de table. Même les présidents de l'Iprona depuis 1966, c'était des militaires. Mais c'était des militaires. Il faut quand même qu'il qualifiait bien. Il regrette que le coup d'État ait été manqué. Donc, il était en train de... Non, mais incriminé déjà, toi. Un petit tour de table, monsieur. Ça ne peut pas moi m'intimider. Ça ne peut pas m'intimider, moi. Soyez un peu posé. Je peux te répondre comme tu veux. Léonce. Toi, tu n'as pas souffert des coups d'État comme moi. Léonce Nguenda-Koumane. On a tous souffert des coups d'État. Moi, je ne parle pas du coup d'État 2015. On a tous. Même le coup d'État 2015, j'ai beaucoup souffert. Même les coups d'État. Les coups d'État antérieurs. Les conséquences, nous les avons tous vécues. Ce n'est pas Gabriel qui va m'apprendre. Léonce Nguenda-Koumane. Tu n'auras pas de cause. On va faire un petit tour de table pour proposer des voies de solution. Si on continue à se comporter comme le pouvoir de l'Iprona s'est comporté à l'époque, notamment en pratiquant de l'exclusion. Personne ne pratique l'exclusion. En pratiquant de l'exclusion. En créant des divisions au sein de la société, en empêchant aux partis politiques de fonctionner, en empêchant la société civile de fonctionner, en empêchant aux médias de fonctionner, en truquant les élections. Oui. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Ça, c'est le code électoral. Non, ça, c'est le code pénal. Jusqu'aujourd'hui, le fraudeur n'a pas encore accès au code électoral qui va régir les élections bientôt. Alors que c'est aussi un pilier de la démocratie. Un petit tour de table, des voies de solution. Je commence directement par vous. Quelle serait la voie la meilleure pour accéder au pouvoir dans un système démocratique? C'est connu, ce sont les élections. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est réhabiliter l'accord d'Arusha. Puisqu'il n'y a pas un autre texte à caractère politique et juridique qui régit le Burundi aujourd'hui. C'est l'arbitraire. Il faut réhabiliter l'accord d'Arusha et il faut la mettre en application jusqu'à ce qu'elle soit évaluée et remplacée par un autre accord ou un autre texte. Ah non, non. Quand même, là, il faut qu'on soit conséquent. Il y a la Constitution. C'est la loi mère. Nous avons un juriste. C'est la loi mère ici. Mais la Constitution devait émaner de l'accord. Est-ce que Nancy Moutoni aujourd'hui est au-dessus de ses parents? Parce que non. Il est au sein de DFDD. Il a pas une du fonction. Tout. Pas puisque du tout. Tes parents n'ont pas de fonction maintenant, tu pas penses que tu es au-dessus de. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Tes parents. Cette constitution émane de l'accord d'Arusha. Ça doit être. Et il faut le savoir. La constitution il faut est le là. Savoir. Et puis, elle est l'émanation du peuple. Émane de du peuple. La constitution émane du peuple, elle émane pas des accords politiques. Mais l'accord d'Arusha émane du peuple. Tu ne peux pas élaborer une constitution sans base politique. Alors, c'est impossible. Mais c'est l'émanation c'est la même du question. Peuple d'abord. Sur quelle base politique? Elle a été votée au référendum en 2000. Sur quelle base politique? Il y a exactement une année. Et de quelle base politique? C'est l'accord démocratique. Et de quelle manière? Démocratique. Et la même question est posée à Gabriel Evans-Oitonde du parti APDR. C'est une nouvelle. On chemine vers la fin. C'est celle-là qui a été modifiée. On chemine vers la fin de l'émission. Gabriel Evans-Oitonde du parti. Gabriel Evans-Oitonde. De certaines personnes influentes. Et c'est quoi cette voie la meilleure pour accéder au pouvoir dans un système démocratique? De façon très résumée. Oui, de façon très résumée. Je commence à donner l'explication aux gens. Vous utilisez coup d'état manqué, mais normalement ce n'est pas un coup d'état manqué. C'est un coup d'état aboli. Il faut que la population comprenne ça. Quelle est la voie que vous préférez, que vous proposez, vous, pour accéder au pouvoir dans un pays en démocratie? N'est que la voie démocratique qui est caractérisée par les élections libres, transparentes et apaisées. C'est pourquoi j'invite mes collègues qui sont ici. Au lieu de chambarder à parler des coups d'État, il faut plutôt se préparer en conséquence pour remplacer le pouvoir actuel par les élections, comme nous voulons nous tous. Et comment devraient se comporter les uns et les autres? La fête de Kayanza précise le pouvoir de chacun et on se prépare à faire, je dirais, code de bonne conduite. vers 2020, je pense que ces deux instruments vont nous permettre quand même de comment se comporter. Sinon, en parole en quoi, nous ne ferons rien, mais plutôt il faut accéder au, faut aller aux élections pour accéder au pouvoir. Dans quel environnement les élections libres, transparentes, démocratiques, dans quel environnement Environnement apaisé. Politique, c'est sécuritaire. C'est pourquoi nous sommes ici sur le plateau. Monsieur le journaliste et témoin, nous sommes à Radio Isanganiro puisqu'il y a l'apaisement au pays. Certains de nos militants sont assassinés, d'autres sont en exil, d'autres sont en prison. À partir de Mokadji jusqu'à Muyinga, comment est-ce qu'ils vont participer à cette élection? Comment est-ce qu'ils vont participer dans cette élection librement? D'abord, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais je serai très bref. Très bref. Il y a comment éviter les coups d'État? Il faut éviter de donner des prétextes à ceux qui s'arrogent justement sur le droit. Les prétextes dont je parle, ce sont lesquels? C'est vrai, vous accédez au pouvoir, peu importe la façon dont vous y accédez, mais il faut l'exercer dans l'intérêt de tout le monde. Il faut l'exercer en respectant les règles de gestion des États modernes. Il faut exercer ce pouvoir en respectant la bonne gouvernance politique, économique, sociale et sécuritaire. Là, ça englobe tout. Il faut surtout rendre la justice aux gens et respecter le principe qui dit que tout le monde est égal en droit et en devoir. Ça, et c'est éviter les prétextes à ces gens qui peuvent s'adonner au coup d'État. Sinon, il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas ici au Burundi seulement. Si vous accédez au pouvoir, que ce soit par des élections ou que ce soit par une autre voie, et que vous l'exercez mal, toutes les voies seront tentées, suivant les circonstances. Mais la voie la meilleure, vous convergez. Sinon, que... justement, sinon, la voie, ça, c'est un principe sacro-saint que nous réaffirmons tout le temps. La voie démocratique d'accéder au pouvoir, ce sont les élections. Mais de quel type d'élection, justement? Il ne faut pas parler d'élection pour parler des élections. Il y a des règles. Elles doivent répondre à des normes et standards internationaux. Ce n'est pas des élections calquées à un seul parti politique qui vont ramener la paix au Burundi, qui vont ramener la paix ailleurs. Il ne faut pas faire une simple chanson que les élections, alors qu'elles sont mal fichues. Enfin, justement, pour éviter, c'est la même réponse. Je voulais terminer par une citation du code pénal. Je n'ai jamais participé à la rédaction de ce code. Je voulais attirer l'attention de Mme Mutoni. Banzawitoni ne m'intéresse pas tellement, à la limite. Il y a un peu de respect. Comment il n'est pas au pouvoir? Un peu de respect. Je passe. Il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au membre du gouvernement. Dire quelqu'un qu'on n'est pas au pouvoir, ce n'est pas un manque de respect. Vraiment, Banzawitoni. Mais vous êtes intéressé parce que vous représentez le pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir, mais on vous respecte. Il y a le temps qui passe. Oui, oui. Madame, il y a une section du code pénal. Il y a une section du code pénal qui parle des causes objective d'irresponsabilité pénale. Il y a un alinéa 2, je voulais vous le lire. De l'article Je ne suis pas sûr si c'est la dernière version du code, parce que je crois que c'était... Ah ben, il faut être sûr. La citation. Non, c'est pourquoi je n'ai pas parlé d'article. Je sais que c'est répété. Lisez la citation. C'est pourquoi je n'ai pas cité l'article. Mais pas assez l'article. Il est dit, il n'y a pas infraction. Je cite, deuxièmement, en cas d'état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent, pour lui-même, pour autrui, ou pour un bien, ou encore, en vue d'interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale, en vue d'assurer la sauvegarde d'un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace. Fin de citation. Je vous réfère à cela, vous allez tirer. Chacun aura son interprétation. Nancy Ninette et Mutoni, et nous allons terminer par vous. La voie la meilleure qu'il faut emprunter pour accéder au pouvoir dans un pays en démocratie, c'est laquelle? Et on va terminer. Bon, on ne doit même pas rappeler cela en démocratie. La voie la meilleure est l'unique d'ailleurs, c'est celle des urnes, celle de la voix du peuple. Et je me réjouis qu'à la fin de ce débat, quand même, nous convergeons sur ce que doit être un État démocratique, un État qui respecte la loi, un État qui est mis en place par la voie des urnes. Nous avons compris que nous dénonçons tous ici l'accès au pouvoir par la force, et je me réjouis de cela. Et puis, nous devons aussi respecter la loi. Et respecter la loi commence par respecter la loi fondamentale. et respecter le peuple qui est souverain. Et qui est d'ailleurs l'émanation de cette loi fondamentale. De l'État, et ce sont les premiers garants du respect de la Constitution. Ce n'est pas la basse classe politique. C'est très bien. C'est très bien. On l'entend de la même façon. Oui. On est là pour respecter la loi et surtout la loi fondamentale. Et puis aussi lutter contre l'impunité, rendre la justice aux victimes. On l'entend de la même façon. Sans abus comme on le voit aujourd'hui. Il faut lutter contre les abus. Il faut lutter contre les abus, il faut lutter contre l'impunité, il faut lutter contre les injustices. C'est cela les bases et je dirais même les fondements d'un État démocratique. Et puis aussi, donc, un commun dernier appel, c'est de se préparer aux élections de 2020. Dans la sérénité. Pourvu que vous laissez les gens se préparer. Ça se prépare déjà. Vous ne me laissez même pas terminer ma phrase. Non. C'est pour vous appuyer, mais en nuance quand même. Non, se préparer aux élections dans la sérénité. C'est ça. Et puis, ceux qui ont des problèmes internes, qui les soumettent à l'autorité. Et ceux qui ont des problèmes sur terrain, qui les soumettent à l'autorité. C'est l'autorité comme ça, qui est responsable de ces problèmes. L'autorité n'est jamais responsable des abus. Ah bon? Et puis, nous sommes là comme des responsables. Nous devons tenir des discours responsables pour inspirer nos générations, les générations actuelles et les générations futures. Merci. Merci beaucoup, Nancy Ninette Moutoni. Je rappelle que vous êtes chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir. Merci d'avoir participé. Merci de votre contribution. Merci aussi, merci de l'invitation. Merci à vous, Léon Sengenakoumana, vice-président du parti Sawanya-Frodebou. Merci de votre participation et contribution à cette émission. Je vous remercie également de m'avoir accordé cette occasion pour tranquilliser mes collègues, mes collègues ici, que je n'ai jamais participé à un coup d'État, que je ne participerai jamais à un coup d'État, je ne soutiendrai jamais un coup d'État, mais je militerai toujours en faveur de l'instauration d'un État de droit, dans l'État démocratique, dans ce pays. Gabriel Banzaoui Tondé, président de l'APDR, du parti APDR, nous vous disons également merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci de votre invitation et je dis à la population qu'en tant que nous les jeunes, nous n'allons pas accepter à une autre personne qui nous fera retourner dans le coup d'État, puisque nous voulons la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Merci à vous, Tassien Siomana. Vous êtes de la coalition Amizero Yabarundi. Merci de votre contribution. Merci d'avoir répondu présent à cette émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Je termine sur le principe que la responsabilité pénale est personnelle. Il ne faut pas condamner les familles des prétendus putschistes à l'errance en oubliant ce principe. C'est par ici que prend fin l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la façon d'accéder au pouvoir dans un pays en démocratie. La mise en onde était assurée par François Akimana. Jérôme Nionzima était à la réalisation et au micro vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.